France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ha ha, nous revoilà. C'est donc la panique au Mangin Palace, épisode 110. Bienvenue à toi, dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores, orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 2 mars 2008, 11h06, bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es petit village d'irréductibles, tu es querelle de clochers, tu es l'arbre, le maire et la médiathèque, tu es chef-lieu de canton, tu es nid de poule ou dos d'âne, et tu es aussi... C'est par là, à gauche. T'es sûr? Oui, oui, on a loupé la D34, mais avec la D428, on peut rejoindre. Oh, c'est vraiment un trou, hein. T'es sûr que ça en vaut la peine? Pour certains. Chirac a fait le tour de toutes les sections RPR pendant la campagne de 95. Proximité. Oui, tu l'auras compris, l'ami, ce matin, tu es jumelé avec Trifouilly-les-Oies. Tu vises à Grosboule-les-Bains. Alors, dimanche prochain, les 36 000 communes de France vont élire ou réélire leurs conseillers municipaux pour une durée de 6 ans. Si le scrutin des grandes villes revêt sans doute un enjeu national, cette élection dans les communes rurales semble beaucoup plus proche des réalités locales. Pour ou contre l'extension des zones de chasse, pour ou contre une nouvelle déchetterie nucléaire, pour ou contre le nouveau stade Roselyne Bachelot ou pour ou contre la MJC Henri Krasucki. Ainsi, pour approfondir ces enjeux locaux, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin, durant 53 minutes, de consacrer une émission à notre fabuleuse bourgade, la quintessence des villages de France, direction Grosboule-les-Bains. Et pour commencer notre aventure grosboulaise, de ses origines à ses eaux de régime, nous allons nous intéresser aux caractéristiques historico-ethno-géographiques de ce petit village fleuri. Ensuite, durant quelques minutes, nous irons à la rencontre des grandes figures que tu peux croiser dans les rues de Grosboule-les-Bains aujourd'hui. Et dans la foulée, nous découvrirons le jeu fétiche des grosboulets inventé par les incontrôlables Cad et Olivier. Et puis, nous nous sommes plongés au cœur de la vie politique locale où la campagne pour les municipales fait rage entre le maire sortant, François de Panafion, et la candidate de gauche, Adrienne Régalienne. Et enfin, nous retrouverons Monique et Jean-Claude à Grosboule-les-Bains, bien sûr, où Monique a tenté cette semaine, avec l'aide du curé, de renouer avec les traditions festives du village. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace, alors bien sûr, monte le son et bouge ton boule. 1, 2, 3. Why yo, why yo, why yo, why yo, why yo, are we so in denial when we're Hey Ya, pépite hip-hop du groupe Outkast, parce qu'il y a, à l'entrée de Grosboule-les-Bains, inscrite la devise du village. Outkast-toi, pauvre con, devise reprise aujourd'hui par les grands de ce monde. Prologue, où l'on découvre la ville et ses habitants. Alors ce matin, la panique au Mangin Palace a donc décidé de consacrer toute une émission à la sublime petite bourgade de Grosboule-les-Bains, la patrie de nos héros hebdomadaires, Monique et Jean-Claude. Et pour commencer cette visite touristique et ethnologique, il est nécessaire, durant quelques minutes, de t'offrir une présentation générale de Grosboule-les-Bains. Cette petite commune est située dans une magnifique région de notre belle France, sur un sous-sol crétacé, assez pauvre en matières premières, mais bon, on s'en fout, parce que le paysage est très joli. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière luit. C'est un petit val qui mousse de rayons. Oui, d'accord, c'est un petit val où il fait surtout bon piquer un somme, pépère. Le territoire de Grosboule-les-Bains semble avoir été occupé dès le néolithique, comme en témoignent quelques magnifiques mégalithes que certains archéologues décrivent comme étant de simples rochers. Quoi qu'il en soit, l'installation des premiers hommes n'a pas été facile à Grosboule-les-Bains. J'ai malheureusement pas d'argent en ce moment, mais on partagera ma première récolte. Oh, nous ne faisons de crédit qu'aux quelques fermiers que nous connaissons bien. Nous avons une bonne raison, bien sûr. Enfin, on a besoin d'argent pour payer ce qu'on revend, sinon il faudrait fermer. Oui, je sais, j'aimerais aussi payer comptant. Et je peux vous dire que c'est ce que je ferai quand j'aurai vendu cette première récolte. Vous savez combien de familles ont voulu s'installer ici? Puis elles ont commencé à semer en commandant plus qu'elles ne pouvaient payer. Elles ont préféré partir au milieu de la nuit. J'ai un tiroir qui regorge de factures. Madame Olson, je vous assure que je n'ai pas l'intention de partir au milieu de la nuit. Merci. Il n'y a aucun autre moyen de... Je comprends. Eh oui, la vie fut difficile pour les premiers habitants de Grosboule-les-Bains. Mais durant l'Antiquité gallo-romaine, la bourgade connut un essor fulgurant grâce notamment à la réputation de ses sources thermales qui soulagent les hémorroïdes. D'ailleurs, l'empereur Vespasien lui-même y aurait suivi une cure. Ainsi, dès le 1er siècle, il est fait mention d'un Culus Aquensis, devenu à l'époque médiévale Moncu-les-Bains, un nom qui fut conservé d'ailleurs jusqu'à l'époque contemporaine. Nous voici dans la mairie de Moncu, dans la salle de délibération du conseil municipal, où monsieur le maire, accompagné de ses adjoints et de ses conseillers municipaux, a bien voulu nous recevoir et je m'aperçois que vous êtes bien chauffé puisque voici le fameux poil de mon cul. Quelle est la tendance politique de mon cul? Oh bien ici la politique de mon cul c'est radical socialiste. C'est ça. Est-ce qu'il y a... ils sont nombreux les républicains indépendants de mon cul? Pas tellement. Non. Ce sont les socialistes de mon cul surtout. Oui, socialistes et radicaux socialistes, mais principalement radicaux socialistes. C'est ça. Alors il y a également une spécialité. Il doit y avoir des spécialités. Dans votre village, par exemple, Montélimar, c'est du nougat, et mon cul, c'est du poulet. Ainsi, face au sarcasme et au colibé, et en application des dispositions législatives fixées par le premier alinéa de l'article L2111-1 du Code général des collectivités territoriales, la commune de Moncu-les-Bains a changé de nom pour devenir Grosboule-les-Bains en 1983, une appellation beaucoup plus moderne. Pour sa morphologie urbaine, cette commune de Grosboule est constituée d'un village principal, appelé le Bourg, autour duquel on trouve plusieurs petits hameaux. Petit hameau, je t'aime, petit hameau, je chante, petit hameau, que je le veuille ou pas, tout me ramène à toi, rien qu'à toi, petit hameau. Dans les petits hameaux, ainsi que dans le bourg de Grosboule-les-Bains, les bâtiments sont caractérisés par une curieuse toiture qui alterne savamment l'ardoise, la tuile creuse, le chaume et les lauzes. Mais ce qui est encore plus intéressant dans l'habitat grosboulet, c'est l'énigmatique disposition des pièces organisées par les autochtones. Mais alors il y a un mystère du blaireau, c'est que dans le terrier du blaireau, terriblement compliqué, il y a toujours une pièce un peu isolé des autres, en couloir, plus large que les autres, et qui a l'air de ne servir à rien. Et ça, je vous donne l'explication, c'est une observation personnelle. Quand j'étais petit, j'observais un bureau et je me demande si cette pièce à part n'est pas un salon de réception où le blaireau reçoit les autres blaireaux pour parler de leurs affaires de blaireau entre eux. C'est le seul cas, je crois, d'animal qui est un salon de réception pour recevoir les copains. En effet, l'un des aspects essentiels dans les traditions populaires des gros boulets, c'est leur propension à recevoir sans cesse des copains pour passer avec eux de merveilleuses veillées où tous les comparses chantent avec poésie les louanges de leur terroir, à savoir le gros boulois. Je suis un mec cool, je suis un mec fun. Sauf que j'aime bien ton boule, mais j'aime pas ta gueule. Je suis un mec cool, je suis un mec fun. J'aime quand ça roule, je fais ce qu'elles veulent. Je suis un mec cool, je suis un mec fun. Sauf que j'aime bien ton boule, mais j'aime pas ta gueule. Sauf que voilà, les habitants de Gros Boule ne sont pas tous des rustres qui chantent à tue-tête en buvant de la piquette. Parfois, à Gros Boule, il y a de grands moments d'émotion. De la vallée, comme égaré, presque ignoré. Voici, quand la nuit étoilée, un nouveau-né nous est donné. Oui. Sache que c'est à Gros Boule les Bains qu'est né en 1823 le célèbre critique littéraire Eugène Grandier, la gloire locale, l'inoubliable pourfendeur de Victor Hugo et d'Honoré de Balzac, dont il critiqua les œuvres toute sa vie, mais en mettant un point d'honneur à ne jamais les lire. C'est d'ailleurs à Eugène Grandier, également poète local, que l'on doit cette saillie drôlatique encore efficace de nos jours. T'habites-tu à Gros Boule ou bas dans un hameau de mon cul ? D'ailleurs, c'est du nom d'Eugène Grandier que fut baptisée la zone industrielle de Gros Boule-les-Bains, un bel hommage, car Gros Boule, longtemps commune agricole, a su s'adapter à la haute technologie. Une société de production spécialisée dans le tournage de films pornographiques a pour habitude de choisir comme décor naturel un jardin intérieur des locaux qu'elle occupe. Seulement voilà, les voisins, quelque peu prudes ou peut-être même trop curieux, en ont assez de voir les ébats et surtout d'entendre les cris et gémissements de ces séances d'enregistrement de personnages dénudés. Dernièrement, je me suis allée aux bêtes derrière voir ce qui se passait. J'entendais un drôle de bruit, j'étais accompagnée de quelqu'un. Nous avons la surprise d'une femme, trois hommes, l'un derrière l'autre. Et alors elle poussait des cris, je vous dis pas, hein. On s'est même retiré gêné, hein. Quand ces charmantes dames ou même eux-mêmes font des bruits vraiment bizarres, les oies se mettent à crier. Alors monsieur escalade, injure mes oies, me fait des menaces. Alors que faut-il faire ? Mais oui, que faut-il faire quand les oies se mettent à crier ? Eh bien dans ce cas, n'importe quel paysan gros boulet, riche de son expérience millénaire, te le dira, pour calmer un troupeau d'oies en furie, le mieux c'est de leur balancer de l'eau. Ses blanches brebis. Quand j'ai demandé d'où venait sa peau fraîche, elle m'a dit c'est de rouler dans la rosée qui rend les bergères jolies. Mais quand j'ai dit qu'avec elle je voudrais y rouler aussi, elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. À la foire du village, un jour je lui ai soupiré que je voudrais être une pomme suspendue à un pommier, et qu'à chaque fois qu'elle passe, elle vienne me mordre dedans. Mais elle est passée tout en me montrant ses jolies dents. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantine. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, zai, zai, zai. Siffler sur la colline, c'est ce que fit en vain Joe Dassin en 1969. Cette année-là, lors des célèbres comices agricoles de Gros-Boule-les-Bains, après avoir été vertement interpellé par l'un de ses administrés, le maire du village lui répondit « Hé, va donc siffler là-haut sur la colline, grossier personnage ». Une toute autre époque. Bah descends, on peut le dire. Descends un peu. Si tu crois que c'est en insultant, eh ben permets-moi de te dire. Viens. Alors maintenant, après avoir retracé l'histoire de notre petit village séculaire qui est Gros-Boule-les-Bains, il est temps désormais d'aller à la rencontre des gros boulets d'aujourd'hui. Oui, mon ami, pénétrons les ruelles de cette curieuse bourgade qui comptait au dernier recensement 1886 âmes. Te souviens-tu de Twin Peaks ? Cet étrange village inventé par David Lynch, où la tranquillité apparente des habitants cachait en réalité d'obscurs mystères, tous liés à l'assassinat de Laura Palmer. C'est ainsi, mais chaque patelin recèle ses secrets, enfouis dans la mémoire des villageois. Aujourd'hui encore, par exemple, à Aunay-sur-Odon, le fantôme de Pierre Rivière, ce jeune homme de 20 ans qui égorgea sa mère, sa sœur et son frère le 3 juin 1835, continue sans doute parfois de hanter inconsciemment l'esprit des habitants de ce petit village du bocage virois. Eh bien, curieux de percevoir la psychologie des résidents de Gros-Boule-les-Bains, nous sommes allés directement enquêter sur place afin d'essayer de découvrir quels secrets se dissimulent sous l'aspect paisible et bucolique de ce joli village fleuri. Avant tout, sache que si tu arrives un peu tard à Gros-Boule-les-Bains, comme ce fut notre cas, seule l'auberge des Cutournées demeure ouverte. Il faut y prendre un verre car le patron est un type délicieux, d'un humanisme rare. Ne buvez pas ça, c'est le vin que je vends aux clients. Ça, c'est du bon. Monsieur me fait beaucoup d'honneur. Alors, comme ça, on vient de loin. Paris. Ah. Oh, mon bon monsieur, les temps sont durs. Nous n'avons pas beaucoup de bourgeois dans nos endroits. Si nous n'avions pas de temps à autre des voyageurs riches et généreux... Vous avez une petite servante qui ne vous coûte pas trop cher, là. Ça, monsieur, les yeux de la tête que ça nous coûte. C'est petit, mais ça mange. C'est fou ce que ça mange. Puis c'est pas fort. Ça peut pas faire les gros travaux. On la garde parce que ça n'a pas de famille. Par charité, quoi. Et puis il me faudrait l'habiller. L'hiver est froid. Puis j'ai deux autres petites filles. Sans compter notre petit dernier, un garçon qui nous est venu. On sait pas trop comment. Quoi. À cause du froid, sans doute. Après avoir picolé avec Jean-Michel Thénardier, le patron de l'auberge des Cutournées, négocie avec lui une piôle pour la nuit, car passé 21h, Gros-Boule-les-Bains est une bourgade endormie où les volets sont clos. Cela dit, les gros boulets sont matinaux. En général, ils vont à l'office religieux à 7h30, où il n'est pas inintéressant d'ailleurs d'aller jeter une oreille, car lors de son homélie, le curé nous en dit un peu plus sur l'esprit de ce village. Dans la transmission des valeurs et dans l'apprentissage de la différence entre le bien et le mal, l'instituteur ne pourra jamais remplacer le pasteur ou le curé, même s'il est important qu'il s'en approche, parce qu'il lui manquera toujours la radicalité du sacrifice de sa vie et le charisme d'un engagement porté par l'espérance. Oui. Le curé de Gros-Boule-les-Bains apprécie avec une certaine modération la séparation de l'église et de l'État. Curieux village. Ensuite, en milieu de matinée, il ne faut pas hésiter à pousser la porte du drugstore, où la charmante Madame Olson peut elle aussi t'apprendre beaucoup sur les gens du coin. Pantouflard, nom masculin, familièrement homme paisible et casanier, qui aime à vivre chez lui. Comme cette définition du dictionnaire dit mal le charme des chaussons qui vous attendent de retour d'une journée de labeur. Et le regard attendri de votre femme, lorsqu'elle devine que vos doigts de pied s'étirent délicieusement en éventail dans le confort douillet de vos pantoufles. La pantoufle, le chausson, la mule, la chaussure d'intérieur, appelez-la comme vous voulez. C'est le symbole même de la douce chaleur du foyer. Offrir des chaussons à son mari, c'est lui murmurer la joie éprouvée à la tendre intimité des soirées d'hiver. Ainsi, aux côtés de l'industrie porno, la pantoufle constitue la seconde mamelle de l'économie de Gros-Boule-les-Bains. Cela dit, la rumeur d'une prochaine délocalisation au Gabon, l'autre pays du chausson, pèse considérablement sur le moral des 223 employés de cette entreprise de pantoufles. Alors, afin de savoir si cette menace est réelle, nous sommes allés à la mairie pour obtenir des informations plus précises à ce propos. Mais là-bas, visiblement, les employés municipaux de Grosboul-les-Bains ont des dossiers plus urgents à traiter. J'écoute, oui. Oui, bonjour, madame. Bonjour. C'est la fleuriste ? Oui. Oui, bonjour, madame, de la place, chef des services de la voirie à la mairie. Oui. Dites-moi, madame, on a eu des petits problèmes encore samedi avec le stationnement automobile devant votre magasin de fleurs. Il y a eu des contraventions et des gens qui sont garés en double fil. Oui. Donc, on a décidé à la voirie ce matin de vous mettre des bites. De mettre quoi ? On va vous mettre des bites. Mmh. Vous voyez ce que c'est comme. Ce sont des tubes. Oui. Bon. Alors, on va en mettre donc devant chez vous, de part et d'autre, à gauche et à droite, et sur le devant. Alors, combien voulez-vous qu'on vous mette de bites ? Eh ben, deux, ça me suffit, moi. Deux, ça vous suffit ? Attendez, je réfléchis, je regarde le plan. Je vais vous mettre une bite devant. Oui. Qui rentre et qui sort. Oui, bah, faut pas, vous ne me la mettez pas devant, vous me la mettez juste au côté. Bon. Oui, à Grosboul-les-Bains, l'efficacité municipale est redoutable. Et puis, une fois sur la place de la mairie, comment ne pas aller déguster les délices du chat qui pète ? Petite gargouille typique de la gastronomie que chérissent tant les gros boulets. Et là encore, le raffinement de la bouffe, digne du patrimoine mondial de l'UNESCO, nous parle des gens du coin. C'est dégueulasse. Toi, tu têtes la grande gueule et tu bouffes tes faillots sans nous emmerder. C'est de l'opossum, c'est pas de tes faillots et j'ai ajouté un tas d'épices dans le jus. J'ai fait un gros effort. Débile pas, Sally. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, c'est pas ça qui compte. Moi, je te dis que tu fais les meilleurs faillots. Et maintenant, si tu nous lisais un verset de la Bible, hein. Merci, mon Georges. Ça, ce sera avec le plus grand plaisir. Oh. Oui, le curé Gros Boulet a su faire plier ses ouailles aux coutumes les plus ancestrales. Mais alors, me diras-tu, qu'en est-il de la jeunesse de Grosboul-les-Bains ? Eh bien, après avoir rencontré quelques juvéniles villageois, nous nous sommes aperçus combien l'éloignement de la vie citadine n'empêche nullement la jeunesse de libérer son énergie créatrice. Ouais, chaîne de vie, j'ai des larmes plein mon stylo bic. Des fois ça bave quand j'écris sur cette chaîne de vie. Tout me tombe dessus. Aïe, putain, commencez par le pied du micro. Toute une vie déjà que je suis gâché. Depuis que je suis né ce 29 février, tu sais ce que c'est, toi, m'acquérir une année bitextile. Biplexile, je sais plus moi, bitextile. Hey, mon roi, elles sont pas justes. Cela dit, malgré toute notre volonté, nous n'avions toujours pas percé l'authentique mystère de Grosboul-les-Bains. Nous allions donc repartir, bredouille, juste avant que nous ne poussions la porte d'une grange isolée à quelques kilomètres du bourg, sur la route des Trois Petits Culs. Là, toute la population de Grosboul était rassemblée pour une étrange cérémonie nocturne qui allait enfin nous révéler l'essence de ce village de France. On découvre cela juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ça les amuse, ça les amuse. Je ne vous présente pas le tableau, évidemment, vous connaissez. Très bien. Michael, Virginie, Olivier, qui a bu ? Louis XIV. Bonne réponse, c'est à vous de parler, Virginie. Je rabote un sans-papier, je tête Sandy Valentino. Oui, bonne pioche. Et 10 de der, Michael. J'inonde à pense-bête. Je contre. Oui, vous avez le droit et vous reculez de 2 acras. Virginie, sac à mâcher ou vie ma vie ? Je tente la toupie manouche. Très bien, tor. Pédo. Terre. Minus. Tire. Lipimpon. Oui, bonne réponse, bien joué. Vous avancez le 3 NEMS, bravo. Sac à moule ou RTT ? Je tâche un mur porteur et je raccompagne Joël Robuchon. Oui, Joël Robuchon, fraise afghane en opposition, vous avancez encore le 3 de Dan. Michael ? Je rabis une dorade et je... Camoulox ! Yes ! Camoulox ! Camoulox ! Yes ! Camoulox ! Camoulox ! Bravo Virginie, vous êtes notre nouveau champion. Et écoutez bien Virginie, vous n'avez pas gagné un ensemble vidéo Home Cinéma d'une valeur de 15 000 euros. Bravo. J'espère Virginie, j'espère que vous êtes déjà équipée. Oui, oui, j'ai déjà un écran plasma de 16 mètres. Ah, très bien. Est-ce que je peux rajouter un petit mot ? Allez-y. Jupe. Très bien, merci. Olivier et Mickaël, pas trop déçus ? Si, si, à mort. Merci, bonsoir et à demain. If I had eyes voice in the back of my head. I would have told you that you look good as I walked away. If I had eyes, autrement dit si j'avais des yeux, c'est ce que souhaite Jack Johnson sur son dernier album. Parce que le dimanche matin, à Gros Boule les Bains, sur leur mobilette, ceux qui n'ont pas Dieu, ben ils ont le bistrot ou le Mangin Palace. Alors maintenant, pour poursuivre notre petite visite à Gros Boule les Bains, ce petit village typique dont on ne sait pas trop quoi, mais typique quand même, il est nécessaire d'évoquer le paysage politique local. En effet, dans une semaine, va avoir lieu le premier tour des élections municipales et à Gros Boule les Bains, le maire sortant s'appelle François de Panafion, élu depuis 30 ans à la suite de son père et de son grand-père dans une baronnie républicaine. Alors pour François de Panafion, ces élections locales s'annoncent plutôt bien. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. À Gros Boule les Bains, Monsieur de Panafion, maire dégriffé, c'est-à-dire sans étiquette de droite, attend donc avec bonheur les élections. Messieurs, le premier tour des élections municipales a lieu dans 12 jours. Mon programme, 3 points. Premièrement, le plein emploi. Deuxièmement, le plein emploi. Et troisièmement, le plein emploi. La liste étant unique, et moi aussi, et personne ne s'étant présenté contre moi, je serai donc très... Je me présente contre vous. Vous avez tort de prendre ça à la rigolade, monsieur le maire. Vous avez constitué une liste ? Absolument. Ils sont 27, comme le prévoit le règlement. 27 contre moi, chez moi ! Je voudrais bien voir ça, moi ! Eh oui, c'est incroyable, mais face à monsieur de Panafion, s'élève un nouveau candidat, madame Adrienne Régalienne, qui représente le Parti Socialiste. Et madame Régalienne dispose d'une équipe de campagne hyper motivée pour conquérir la mairie de Grosboule. Ils ont tout prévu, même l'hymne de la campagne électorale. Non, si, j'ai un gros... J'ai un gros boule, c'est donc l'hymne officiel pour enlever la mairie à François de Panafion, surtout que la candidate du Parti Socialiste a renforcé sa liste en s'alliant avec les Verts. Enfin bon, à gros boule, les Verts, comment dire, ils ne sont pas trop vindicatifs. Pas de boulot, pas de diplôme, partout la même odeur de zone, plus rien n'agite tes neurones. Pas même le shit que tu mets dans tes cônes, va voir ailleurs, rien ne te retient, va vite faire quelque chose de tes mains, ne te retourne pas, ici tu n'as rien, et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Hey! Et donc, les Verts usent leurs cordes vocales pour chanter en chœur avec les militants PS. J'ai un gros boule et je le poserai sur le fauteuil du maire. Alors, face à cette opposition, le maire sortant a tenté de mobiliser tous les électeurs et il a fait la tournée des popotes. Alors, on voulait pas voir monsieur le maire, hein? Vous savez peut-être pas, vous qui êtes loin du bourg, mais ce qu'il faut à la commune, c'est une expansion économique. Ce qui manque dans tous les villages français, c'est l'expansion économique. Et qui plus est, une expansion économique génératrice d'emplois. On va créer ici, chez vous, un parc de loisirs où il y aura des restaurants, des buvettes, des balançoires, tout ce qu'il faut pour rigoler. Pour tout, il faudra payer. Il faudra que ça sorte toutes les deux minutes, les porte-monnaies. Et en place de ma baraque, que l'on qui va y avoir ? Le rocher aux singes ! Le rocher aux singes à Grosboule-les-Bains ? Non, mais ça c'est encore une initiative pas trop réfléchie. Un grand classique de la politique en ce moment. Décidément, François de Panafion, le maire historique de Grosboule, voit sa cote de popularité s'effondrer. Et il a beau aimer le terroir du Grosboulois, François de Panafion, il a plus en plus de mal à en comprendre les habitants. Maudits soient ces enfants de leur mère patrie, empalés une fois pour toutes sur leur clocher qui vous montrent leur tour, leur musée, leur mairie. Vous font voir du pays natal jusqu'à Loucher, qu'ils sortent de Paris ou de Rome ou de Sète ou du diable Vauvert ou bien de Zanzibar ou même de mon cul, ils s'en flattent mazette. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Eh oui, parce qu'il ne faut pas oublier que mon cul, c'est l'ancien nom de Grosboule-les-Bains. Ainsi, le maire sortant, François de Panafion, est de plus en plus inquiet pour sa réélection. Il sent qu'il perd tous ses alliés traditionnels. Tiens, même au bar-tabac, le balto des chasseurs, il n'est plus accueilli comme avant. Surtout depuis l'interdiction d'y fumer. Et même quand il est poli, c'est compliqué. Est-ce que vous pourriez nous servir une vodka tonique, un Bloody Mary et un Daiquiri, je vous prie? Et puis quoi encore? Est-ce que vous pourriez nous servir une vodka? Non, on ne peut rien vous servir. Rien du tout. On n'a rien ici pour des gens comme vous. Que dalle. Alors ouvre grand tes oreilles, ma jolie. Pourquoi t'allumes pas la mèche de ton tampon pour te faire exploser la tirelire? Parce que toi, c'est vraiment le seul moyen que t'auras jamais de te faire sauter. Bon, la fin de la campagne électorale est assez tendue à Grosboul-les-Bains pour le maire sortant sans étiquette, mais de droite quand même. Hein. Enfin, peut-être pas aussi tendue que chez ses adversaires en réunion électorale. C'est moi qui donne la parole. Donc... Je l'attends. Non, mais je demande la parole maintenant. Eh bien, pour l'instant, nous passons au vote sur la 15e. J'ai demandé avant que le vote soit engagé, madame. Si, on peut, si la privation de parole fait partie de vos prérogatives, je ne peux pas rester dans une assemblée pareille. Je demande la parole. Je vais vous donner la parole tout de suite après. Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? Non, c'est pas possible. Mais on peut pas. Je n'en vois pas. On ne peut pas voter. Je n'en vois pas. Mais les 15. C'est une irrégularité. Il y a donc. Mais vous n'allez pas. Ça suffit. Non, président. Il y a donc. Vous ne me déstabiliserez pas. Si on vote, allez. Eh bien, vous sortez. Nous sommes dans une parodie absolue du fonctionnement démocratique d'une assemblée. Moi, je vais m'exprimer dehors puisqu'il ne voulait pas que je m'exprime à l'intérieur. Eh bien, c'est parfait. Ah, tiens, des relents staliniens dans des réunions publiques. C'est étrange, ça aussi. Enfin, dans une semaine, ou peut-être deux, on connaîtra le nom du prochain maire de Grosboul-les-Bains. D'ici là, pour les indécis, il faut rester les yeux ouverts à mi-chemin entre la nuit et le terrien. Les yeux ouverts à mi-chemin entre la nuit et le terrien. Le monde ne s'aperçoit même pas qu'il pourrait bien tourner sans moi. C'est ce que la nuit aura tracé. Des moutons, du coton que mes rêves auront déposé sur l'oreiller au petit matin. Même si le soleil tend la main à voir le sommeil qui revient. Est-ce que c'est encore le matin? Le jour ne me dit rien. Colorié sur ma joue froissée, ce que la nuit aura tracé. Des moutons, du coton que mes rêves ont déposé sur l'oreiller au petit matin. Au petit matin. Les petits matins. Ce sont ceux que vivent les membres du groupe Poney Express. Chanson sans doute inspirée par le célèbre dicton en patois grosboulais, se presser le poney en attendant le grand soir. Anne Ségulel, certes. Aboyarohu, boyoalo. Alors à présent, afin de prolonger cette totale immersion dans les méandres de notre village imaginaire, il est grand temps désormais de retrouver la dernière famille qui s'est installée dans cette bourgade paumée, à savoir nos deux gros boulets d'adoption, que sont devenus Monique et Jean-Claude, bien sûr. Voici donc plusieurs mois maintenant que nos deux héros résident dans cette commune enchantée. Seulement voilà, Monique trouve la vie sociale et associative du village un peu triste. Elle ne comprend pas, par exemple, que les gros boulets ne ressentent pas le besoin d'organiser des festivités en collaboration avec les villages voisins. Mais ce que Monique ignore, c'est qu'il y a 30 ans, un soir d'été, il y eut un petit souci entre Grosboul-les-Bains et la commune limitrophe de Malingreville. La bagarre, oh là là, bagarre, arrêtez. Bon, alors... Bon, eh bien, par conséquent, nous connaîtrons plus tard les explications de Léon Zitrone sur les incidents. Mais enfin, ici, c'est la bonne humeur. Je ne sais pas là-bas ce qui s'est passé. Voulez-vous maintenant, chère Simone, nous conter un peu l'histoire d'un pèlerinage pour le moins curieux? Messieurs, Guilux. Trop tard, le jeu est parti, Léon. Tout à l'heure, nous revenons à... Guilux. Oui. Guilux, je vous prie, le micro. Monsieur Zitrone vient d'être blessé. Par qui? Je ne sais pas. Oh. Je vous passe le Zitrone. Alors nous allons... Guilux, Guy, oui. Je vous demande infiniment pardon, Guy. Oui. Je n'y vois plus rien, je n'ai rien à l'œil, mais l'on m'a cassé mes lunettes. Par conséquent, nous allons voir comment nous allons faire le tir à la corde. Malheureusement, sans lunettes, je ne peux rien faire. On va essayer d'y parer. S'il vous plaît, c'est comme cela, ce sont les risques du métier. La guerre des clochers atteignit son paroxysme ce soir-là. Et depuis, les deux municipalités ont strictement interdit toute manifestation intercommunale. Cela dit, n'ayant point connaissance du dossier, mais ayant tout de même entendu parler de cette grande fête traditionnelle, Monique a voulu en savoir plus auprès de sa voisine. C'est quand cette fête ? Ah mais ça n'existe même plus. Et pourtant c'était bien, parce qu'il y avait un marché aux saveurs, un défilé, la course des mulets, la feria de la lavande et le grand bal du ventre. Et les costumes, comme ça. C'est dommage d'avoir supprimé cette fête si ça marchait. Si ça marchait ? Ça faisait venir plein de monde dans le village. Enfin, ça, c'était il y a 30 ans, hein. Depuis, plus rien pour rigoler. Et puis, vous connaissez le proverbe, « Lo conosco uno, lo so contro vous ». C'est un peu saoulant, votre patois. Excusez-moi d'être bilingue. Oui, Monique ne maîtrise pas encore réellement tous les codes du village, mais elle est bien décidée à relancer la machine de cette grande fête traditionnelle disparue il y a 30 ans. C'est ainsi que mardi dernier, lors d'une réunion publique, Monique a proposé au Gros Boulet de ressusciter ce rendez-vous intercommunal. Les réactions furent, comment dire, mitigées. Mais dites, ça va nous augmenter nos impôts ? Et ma patente ? Bah et la mienne ! Écrasée qu'on est déjà dans le petit commerce ! Et on viendra se plaindre que le cochon est trop cher. D'aujourd'hui, j'augmente mon saucisson de 50 francs par kilo. Moi, j'ai préparé une pétition pour protester. Donnez ! Je vais la signer dès demain, moi, votre répétition. Nous aussi. Alors mes hommes vont travailler toute la nuit devant le four pour un inutile. Et c'est une véritable gabegie. Ah oui, alors. Comment vous appelez ça, vous? Dans la gabegie. C'est un terme que mon mari emploie quand il est en rogne. Donnez. Pour sûr, moi, que je vais vous la signer, votre compétition. Lors de cette réunion publique, se trouvait également dans la salle Monsieur le curé de Grosboule-les-Bains, qui, lui, a bien tenté de rassurer ses ouailles sur le prix du cochon. Bah écoutez, je comprends pas. Le prix qu'on verse aux producteurs de porc diminue. Et le prix du jambon explose. Attends, il y a quand même un lien, hein, entre le porc et le jambon, non? Enfin, ma connaissance, je suis pas un petit gars de la campagne, mais enfin quand même, c'est monté jusqu'à mon... Ben, peut-être pour une partie, mais enfin une partie quand même. Alors celui qui produit le porc, il est payé de moins en moins cher, et celui qui vend le jambon, il vend de plus en plus cher. Il n'y a pas un truc là-dedans ? Excédée par ce cabotinage, Monique a tenté de recentrer la conversation autour de cette fête à ressusciter. Et à force d'arguments redoutables, elle a fini par convaincre les Gros Boulets qu'il fallait à nouveau s'amuser. La fête aurait donc lieu, à condition bien sûr, que la municipalité de Malingreville accepte la proposition. Encore une fois subjuguée par les talents d'oratrice de Monique, sur le chemin du retour vers le presbytère, monsieur le curé était pensif. Moi qui suis le jeune curé de la paroisse abandonnée, souvent je pense à cette femme qui partagerait le pain, le sel, qui m'endormirait avec elle et qui protégerait mon âme. Mais là devant la croix de Dieu, ma prière n'atteint pas les cieux. Je suis tout seul dans mon église. Ah bon Dieu, si l'on était deux. Ah bon Dieu, si l'on était deux. Comme possédé soudainement par l'image sensuelle de Monique, en pleine nuit, le curé de Grosboule-les-Bains décide alors de faire demi-tour pour aller frapper à la porte de chez Monique et Jean-Claude. Tu es là ? C'est ouais. Moi, l'abbé. Viens parler. C'est ouvert, entrez. Mais, que souvenez-vous faire ici, monsieur le curé ? Sûrement pas la même chose que vous. Jean-Claude n'avait jamais rencontré monsieur le curé, alors bien sûr, il est un peu surpris de le voir débouler chez lui à 23h30 un mardi soir. L'abbé explique alors à Monique qu'il souhaite l'aider à organiser cette fête. Il va prendre contact avec la paroisse de Malingreville afin d'obtenir son accord pour que l'église du canton devienne durant quelques heures la scène d'un micro-crochet intercommunal. Lorsque Jean-Claude entend cela, il s'adresse directement à l'abbé. Je peux vous faire un aveu ? Au point où nous en sommes, ne vous gênez pas. D'après ce que Monique m'avait raconté, j'avais peur qu'entre vous et moi, ça gosse pas très fort. Ben, je me suis trompé. Dans le fond, c'est un rigolo. Le curé de Grosboule lance alors un regard noir à Jean-Claude, puis le méprise méchamment, avant d'annoncer à Monique avec un large sourire qu'il la rappellera demain pour lui donner une réponse. Monique le remercie chaleureusement et raccompagne l'abbé sur le palier. Le lendemain à 15h, tel John Lennon, l'abbé rôde près de chez Monique lorsqu'il l'aperçoit enfin dans son jardin. Il se précipite alors pour lui annoncer que son homologue de Malingreville vient d'accepter la proposition et que le micro-crochet entre les deux communes aura bien lieu samedi prochain dans l'église de Saint-Nicos-Aliagas. Dans la foulée, monsieur le curé transforme alors la nef en salle de concert, ce qui n'est pas sans étonner l'abbé de Malingreville. Oh, dis donc, c'est classe. Tu te lances dans le showbiz? Ah oui, il y en a marre des cutéreux, des cascades et tout le fatras. Place aux raffinés, aux spectacles musicaux et culturels, c'est beaucoup moins cher. Et ça rapporte. C'est quoi un micro-crochet? Un micro-crochet? Comment t'expliquer ça? C'est un crochet, mais plus petit. Un spectacle, un show où tout le monde a sa chance. C'est ainsi qu'hier après-midi, plus de 1500 personnes se sont rassemblées sous la voûte de l'église Saint-Nicos à Liagas afin d'assister à ce micro-crochet, nouvel épisode de la querelle des clochers. Les deux maires, en pleine campagne électorale, étaient présents, bien entendu, ainsi que de nombreuses familles de Grosboule et de Malingreville. L'ambiance était bon enfant, genre kermesse du curé, et Monique était ravie d'avoir enfin pu organiser une festivité intercommunale. De nombreux candidats s'étaient déjà présentés devant l'assistance, lorsqu'un villageois de Malingreville fit sensation. Laisse-moi kiffer la vibe avec mon mec. J'ai pas de temps à perdre dans des prises de tête. Pourquoi tu m'observes? Pourquoi tu me regardes? Tu veux mon mec ou quoi? Je te mets en garde. On touche pas à ça, on baisse les yeux. T'as cru que t'avais du style dans ton pot de pêche bleue. Mes meufs, j'ai le même, on a toutes le même. Car on va toutes se ruiner chez H&M. Je suis pas une bombe latine, ni une blonde platine. Je sais que tu veux pas que je t'égratigne. Devant une telle prestation, même le public de Grosboule-les-Bains fit une colossale ovation au candidat rival. Personne ne semblait pouvoir rivaliser et Malingreville allait donc triompher cette année. Quand soudain, un ultime duo inscrit sous la bannière de Grosboule-les-Bains allait tenter le tout pour le tout. Oui, Jean-Claude, accompagné de sa fille Elsa, ont tenté hier après-midi de relever le défi pour sauver l'honneur des Grosboulets. N'en déplaise aux puristes, la langue française demeure beaucoup trop machiste. Rien n'a changé. Un gars, c'est un jeune mec et une garce. C'est une pute. Un coureur, c'est un jogger et une coureuse. C'est une pute. Un chauffeur, il conduit le bus et une chauffeuse. C'est une pute. Un entraîneur, c'est un coach sportif et une entraîneuse. Bah, c'est une pute. Un homme à femme, c'est un séducteur, une femme à homme. C'est une pute. Un chien, un animal à quatre pattes, une chienne. C'est une pute. Un Hilton, c'est un hôtel et Paris Hilton. Bah, c'est une pute. Outré par de tels propos dans la maison du Seigneur, les paroissiens et les administrés de Malingreville s'en sont pris violemment au gros boulet. Ce fut un réel pugilat et visiblement, la guerre intercommunale est relancée. Fin de l'histoire. Monique, qui n'avait pas été prévenue du petit numéro orchestré par sa joyeuse famille, a dû accepter hier soir, pour se faire pardonner, de devenir la bonne du curé de Grosboule, mais seulement durant quelques jours. Hein. Plus, elle voudrait bien, mais elle peut point. Je voudrais bien, mais je peux point. C'est point commode d'être à la mode quand on est bonne du curé. C'est pas facile d'avoir du style quand on est une fille comme moi. Entre la cure et les figures des grenouilles de bénitier, la vie est dure quand on aime rigoler. Mais quand le diable, qui est un bon diable, me tire par les pieds, et ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. Je fais des bêtises derrière l'église, je veux pas m'en empêcher. Dieu me pardonne, je suis la bonne du curé. Et je voudrais bien, mais je veux pas. Je voudrais mettre une mini jupette et un corsage à trou-trou, mais il paraît que pour faire la quête, ça ne se fait pas du tout. Quand je veux faire un brin de causette avec les gars du pays, je file en cachette derrière la sacristie. Mais quand le diable, qui est un beau diable, me tire par les pieds, et ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. Je fais des bêtises derrière l'église, je peux pas me l'empêcher. Dieu me pardonne, je suis la bonne du curé. Et je voudrais toujours bien, mais je peux toujours bien. Quand c'est la fête, j'en perds la tête, je voudrais bien aller danser. Je voudrais monter en motocyclette pour me promener dans les bouées. Et qu'un beau gars me compte fleurs.